Le gymnase de l'université Kim Il-sung a abrité du 2 au 7 mai le tournoi printanier de tennis de table des handicapés et amateurs 2017. Le tournoi s'est déroulé en différentes catégories comme celle des handicapés et amateurs, celle des amateurs par âge et celle des amateurs mixtes. Des étrangers aussi y ont pris part. Y ont assisté les permanents de la Fédération coréenne pour la protection des handicapés, des amateurs, des citadins, des jeunes étudiants, ainsi que Tapan Mishura, coordinateur permanent de l'ONU et représentant permanent du Programme des Nations Unies pour le développement en Corée, les diplomates étrangers à Pyongyang, la rapporteuse spéciale Catalina de Bandas Aguilar, chargée des droits des handicapés relevant du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme et sa suite en séjour à Pyongyang, d'autres hôtes étrangers et les Coréens d'outre-mer. Les coupes, médailles et diplômes ont été remis aux meilleurs joueurs.